طيب إن شاء الله معكم فيه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc alhamdulillah, ça me fait très plaisir d'être aujourd'hui avec vous. Il y a beaucoup de visages que je reconnais, alhamdulillah, parmi les frères que j'ai rencontrés déjà dans des visites précédentes. Et puis alhamdulillah, donc ça me fait très plaisir d'être avec vous encore une fois aujourd'hui. Et alhamdulillah, on va parler d'un sujet aujourd'hui qui est fadl al-tawhid wa ma yukaffiru min al-dhunub, c'est-à-dire le mérite du tawhid et ce qu'il efface ou ce qu'il vient expier comme péché. Toutefois, avant de rentrer dans ce sujet, on va, yani, en même temps, essayer de ramener ou de parler un peu de l'importance du mois qui est en train de rapprocher ou de s'approcher de nous à grands pas, yani, c'est-à-dire le mois du Ramadan. Et de se rappeler en même temps que, yani, ce mois-là, c'est un des mois bénis de l'année et il faut en profiter le plus possible. Yani, parmi les salafs, il y en a qui, pendant 6 mois de l'année, ils demandaient à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter leur jeûne qu'ils venaient de faire. Et les 6 autres mois, ils demandaient à Allah subhanahu wa ta'ala de leur permettre de vivre jusqu'à ce mois, donc pour pouvoir en profiter. Et donc, alhamdoulilah, c'est un mois qui approche. Et dans ce mois-là, bien entendu, il faut faire plus d'efforts que d'habitude dans les adorations et dans le rapprochement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans les mois de l'année en général, hein, et on doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala et l'adorer toute l'année, hein, parce que Allah subhanahu wa ta'ala c'est pas le Seigneur du mois de Ramadan seulement, mais c'est le Seigneur de tous les mois. Et donc on doit l'adorer dans tous les mois de l'année, yani, avec autant de dévotion et de crainte. Toutefois, dans le mois de Ramadan, on fait encore plus d'efforts parce que les récompenses qu'on acquiert dans ce mois-là sont multipliés par rapport aux récompenses qu'on peut acquérir dans les autres mois de l'année. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, yani, man lam yada' qawl az-zur wal 'amal bihi fa laysa lillahi hajatun an yada' ta'amahu wa sharabahu, ou comme a dit le rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui n'abandonne pas la mauvaise parole, l'action qui est mensongère ou fausse, et l'action qui est fausse ou mensongère également, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas, il n'a pas besoin du fait qu'il cesse de manger et de boire. C'est-à-dire que ce jeûne-là, c'est pas seulement, cette signification-là, c'est pas la signification du jeûne, c'est pas seulement de s'abstenir de boire et s'abstenir de manger, mais c'est également de s'abstenir de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est contraire à l'islam, comme parole et comme action. Et que si quelqu'un, par exemple, s'abstient de manger et de boire durant la journée, toutefois il se permet en même temps de faire toutes sortes de choses, de dire des paroles, de faire des actions qui sont contraires à l'islam pendant son jeûne ou pendant la nuit du jeûne, eh bien c'est comme si en réalité, il n'a pas complété la réalité de son jeûne. N'a pas complété la signification réelle du jeûne du Ramadan, puisqu'il ne s'est pas abstenu de toutes les mauvaises paroles ou de toutes les mauvaises actions. Et dans plusieurs endroits dans le monde, actuellement, le jeûne du Ramadan, c'est devenu comme un genre de rituel ou une sorte de tradition que les gens pratiquent. Et au lieu d'être un mois de jeûne, c'est devenu un mois de nourriture. C'est un festival de nourriture dans lequel les gens s'exercent à cuisiner les meilleurs plats que le reste de l'année, ils ne les préparent pas ou ne les font pas. Et les gens mangent parfois même plus dans le mois de Ramadan que dans les autres mois de l'année. Donc on dirait que le sens même du mois de Ramadan est renversé complètement. Donc on doit revenir à la réalité de la signification du mois de Ramadan et de retourner justement au Coran et à la Sunna et à l'exemple des Salaf Salih pour comprendre qu'est-ce que signifiait le jeûne du Ramadan pour eux. On va essayer, Inch'Allah, de suivre leur exemple là-dedans et de comprendre la réalité de ce jeûne-là. Donc ça, c'est juste un petit rappel que je voulais faire en premier avant de rentrer dans le sujet, parce que c'est quelque chose qui va nous encourager, Inch'Allah, à réellement faire des efforts pour vraiment profiter de ce jeûne-là à 100%. Déjà, au Canada, à Montréal, on a beaucoup de problèmes comme ça, justement, qui sont reliés à ce genre de mauvaise compréhension du Ramadan. C'est que on a remarqué depuis plusieurs années qu'il y a des gens qui font qu'est-ce qu'ils appellent les nuits du Ramadan. Ok? Et quelqu'un pourrait s'imaginer que on parle de nuits de prière, de tahajjud et d'adoration, de récitation du Coran. Pourtant, c'est pas le cas. Malheureusement, on a fait du mois de Ramadan un mois dans lequel on en profite pour faire des spectacles, des fêtes, où il y a de la musique, où il y a de la danse, où il y a toutes sortes d'autres choses qui sont contraires à l'islam, et ils appellent ça les nuits du Ramadan. Et sans parler de toutes les émissions de télévision qui passent dans les pays musulmans durant le mois de Ramadan, qui ne passent jamais durant le reste de l'année. Et c'est comme si on dirait que on fait exprès pour mettre à la télé des choses qui distraient les gens de l'adoration durant ces mois-là. Donc ça, c'est vraiment des ruses du shaitan, des tentations qui viennent du shaitan pour égarer les gens du rappel d'Allah. C'est donc important de se souvenir de ça, de se rappeler que ces choses-là sont contraires à la signification de l'islam. Et c'est pas ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, et c'est pas pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré le jeûne du Ramadan. Ayant dit ceci, on va commencer donc à lire des parties du livre d'une petite muhadara qui a été donné par le Cheikh Saleh al-Cheikh au sujet du Tawhid. Et c'était une conférence qu'il a donnée dans une dawra, dans un séminaire, un genre de séminaire qui a été donné en Arabie Saoudite au sujet du Tawhid. Et on va juste lire ensemble cette rissa-là, on va essayer d'en profiter un peu, de voir les points les plus importants qui ont été mentionnés dans cette rissa-là au sujet du Tawhid. Et le sujet du Tawhid, comme on le sait, c'est la base de l'islam. Et donc, puisqu'on vient de mentionner quelque chose au sujet du Ramadan, eh bien, il est important en même temps de mentionner que ce jeûne du Ramadan qu'on fait, il est basé sur le Tawhid. Et que si le Tawhid d'un individu n'est pas bien complété et bien compris, eh bien, son jeûne n'aura aucune valeur. Donc c'est très important d'avoir réalisé, d'avoir bien compris la signification de notre tawhid pour faire en sorte que Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre salat et qu'il accepte également notre jeûne. Et également, donc tout ça c'est relié, pour comprendre que tout ça c'est relié ensemble et que le tawhid c'est relié au jeûne du Ramadan comme c'est relié à tous les autres aspects de l'islam en entier. الشيخ الزي فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر كما أسأله سبحانه أن يمن علينا بتحقيق التوحيد والعمل به وبتكميله وتخليصه مما ينقصه أو ينقص كماله أو يقدح في أصله وأنه سبحانه ولي الصالحين ولا شك أن هذه الدورة والدروس والمحاضرات العلمية التي كان موضوعها التوحيد من أهم ما عمل من سلاسل المحاضرات بل هي أهمها لما اشتملت عليه من بيان توشيح من بيان وتوضيح أصل الأصول الذي هو حق الله جل وعلا على العبيد وهو توحيده سبحانه وتعالى والإخلاص له وإسلام الوجه والعمل له سبحانه بلا شريك ولا ند ولا ظهير. Les cheikhs ils ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de moi et de vous, ou qu'il nous fasse, ou qu'il nous mette parmi ceux que lorsque on lui a donné quelque chose, il est reconnaissant, lorsqu'il a une épreuve, il est endurant, et lorsqu'il a commis un péché, il demande pardon. Et on demande également à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse, ou qu'il nous donne sa grâce et sa faveur, de nous faire réaliser la signification du tawhid. Et d'agir selon ce tawhid et de compléter sa signification, de le parfaire, ce tawhid, et de purifier notre adoration hein, de tout ce qui est contraire, de tout ce qui pourrait diminuer la perfection de ce tawhid ou qui pourrait venir, disons, faire des problèmes ou causer des problèmes dans la base de ce tawhid. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui est apte à nous répondre dans ce domaine et à nous corriger justement si on a des problèmes dans ces questions-là. Et donc, le cheikh il dit qu'il n'y a pas de doute que ces conférences qu'on donne sur les différents domaines ou les différents thèmes qui traitent du tawhid sont parmi les sujets les plus importants. Et c'est le sujet le plus important puisqu'il vient clarifier et éclaircir le fondement de tous les fondements de l'islam, c'est-à-dire le droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sur toute sa création. Et c'est-à-dire son tawhid et le fait qu'on a purifié, qu'on a adoré Allah subhanahu wa ta'ala avec ikhlas, avec sincérité et avec pureté, et qu'on a soumis notre visage à Allah subhanahu wa ta'ala sans lui donner de partenaire, d'ego ou d'aide, d'associé ou de quiconque qui serait, viendrait en aide à Allah subhanahu wa ta'ala dans quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de sharik, il n'a pas de partenaire, il n'a pas de nid, c'est-à-dire il n'a pas d'équivalent ou d'ego, et il n'a pas de zahir, il n'a pas besoin de quelqu'un pour l'aider dans quoi que ce soit. Wallahu jalla jalaluhu, innama amara as-samawat wa khalaqaha, wa amara al-ard wa khalaqaha, liwahhad subhanahu. وخلق السماوات وجعل لها عمارا وخلق الأرض وجعل فيها الجن والإنس مكلفين وذلك كله لتوحيده سبحانه وتعالى قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين هو سبحانه مستحق من عباده أن يذكر فلا ينسى وأن يوحد فلا يعبد أحد سواه وأن يخلص له الدين والعبادة امتثالا لقوله فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الله سبحانه وتعالى il a créé les cieux et la terre, il les a remplis de création et il a créé la terre et toutes les créatures qui sont dessus pour être unifiées par ces créatures-là dans l'adoration. Il a créé les cieux et il a fait dans les cieux des habitants parmi les anges et parmi les oiseaux et les autres créatures qu'il a fait. Et également sur la terre, il a créé des hommes et des djinns qui sont chargés d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça pour établir son tawhid, pour établir son unicité. C'est pour ça qu'il nous a créés, comme il le dit dans Surat al-Dhariyat, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne veux pas d'eux aucune subsistance et je ne veux pas d'eux qu'ils me nourrissent. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est le pourvoyeur de subsistance, celui qui a la force et qui est inébranlable. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui mérite l'adoration. Et c'est celui qui mérite qu'on se souvienne de lui et qu'on ne l'oublie pas. Et qui mérite également qu'on l'unifie lorsqu'on l'adore et qu'on n'adore rien d'autre en dehors de lui. Et qu'on purifie notre adoration et notre religion pour lui seul. Et tout ça, selon le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat al-Zumar, et adorer Allah en lui vouant un culte pur, et certes c'est à Allah qu'appartient le culte ou la religion pure, al-Dinul Khalis. هذا هو حقه سبحانه على عباده الذي بعث به الرسل ومن أجله أنزل الكتب كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Ça c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a sur ses serviteurs. Et c'est pour ça qu'il a envoyé les messagers. Et c'est pour ce but-là qu'il a également fait descendre les livres. Comme il le dit dans Surat al-Nahl, le verset 36. Et nous avons fait susciter dans chaque nation un messager pour qu'il leur dise « Adorez Allah et écartez-vous du tahout. » Et il dit également, « Wa qala aydan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana ta'abudun. » Et nous n'avons envoyé de messagers avant toi, excepté pour qu'ils disent aux hommes, adorez Allah, ou pour qu'ils disent aux hommes, rien ne mérite d'être adoré, excepté moi, alors adorez-moi. Donc ça c'est le message de tous les messagers à leur peuple, d'adorer Allah seul et de rien adorer avec lui en dehors du Créateur, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Hada tawhid. هو الذي اجتمعت عليه الرسل وهو الإسلام الذي لا يقبل الله جل وعلا من أحد غيره قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام يعني التوحيد الخالص المبرأ من كل شائبة شرك تقدح في خلوصه وإخلاصه. Donc ça c'est le tawhid. Tous les messagers se sont mis d'accord, ils étaient tous d'accord sur ce message, sur ce tawhid. Et c'est l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera aucune autre religion que cette religion-là. Comme il le dit dans Surat Al-Imran, verset 19, la religion pour Allah, c'est l'islam. C'est la seule religion que Allah subhanahu wa ta'ala accepte. Et c'est la religion qui a été amenée par tous les messagers d'Allah. Il n'y a pas deux messagers envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala qui ont différé ou qui ont divergé sur le message. C'est-à-dire, ils sont tous venus avec le même message et la même religion. C'est-à-dire, la religion du Tawhid. La religion de la ilaha illallah. Et le tawhid, donc quand on parle de l'islam, on parle de la religion du tawhid qui est la religion de l'adoration d'Allah seul et qui est purifiée de toute forme de shirk qui pourrait venir mettre des problèmes ou des déficiences dans sa pureté et dans sa sincérité. Et le cheikh il mentionne encore d'autres versets qui prouvent ce point-là. Il dit وأيضا قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat Al-Imran verset 85, et quiconque cherche une autre religion que l'islam, Allah ne l'acceptera pas de lui, et au jour de la résurrection il sera du nombre des perdants. Donc quiconque vient avec une autre religion que l'islam, peu importe quelle autre religion, peu importe que ce soit le judaïsme, ou le christianisme, ou l'hindouisme, ou le bouddhisme, ou n'importe quelle autre religion, l'athéisme ou autre, elle ne sera pas acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il n'y a aucun messager d'Allah qui est venu avec autre chose que l'islam. Donc avec quelle religion quelqu'un pourrait se présenter, avec quel message ou avec quelle religion autre que l'islam, quelqu'un pourrait se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection pour qu'elle soit acceptée de lui. Puisque Allah n'a envoyé aucune autre religion que l'islam, que la ilaha illallah, que le tawhid. Donc le shaykh dit à l'islam, هذا ليس خاصا بأمة محمد عليه الصلاة والسلام, بل كل الأمم التي بعث لها الرسل كلها مطالبة بهذا الإسلام الواحد, وهو الإسلام العام الذي أمر به جميع الخلق. قال سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. فآدم عليه السلام كان على الإسلام, ونوح عليه السلام كان على الإسلام, وإبراهيم كان على الإسلام, وأبناؤه الأنبياء والرسل كانوا على الإسلام, وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام كان على الإسلام وأمر به ودعا إليه, وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان على الإسلام الخالص, وكانت شريعته أيضا هي شريعة الإسلام. Donc, le cheikh il dit que l'islam, c'est pas uniquement un message qui est particulier à la Ummah de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les nations auxquelles Allah a envoyé des messagers ont tous été ordonnés et commandés par Allah subhanahu wa ta'ala d'adorer Allah seul et de suivre la religion de l'islam, qui est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala par le tawhid. Donc, c'est ça l'islam général, auquel toute la création a été appelé. Et il mentionne le verset, encore une fois, que la religion pour Allah c'est l'islam. La religion qui sera acceptée d'Allah c'est l'islam. Et il mentionne que Adam, que Nuh, que Ibrahim et que ses fils parmi les prophètes et les messagers étaient tous sur l'islam, alayhimu salatu wassalam. De même que Moussa et Isa, eux aussi également étaient sur l'islam. Ils n'étaient pas sur le judaïsme, sur le christianisme ou d'autres religions. Ils étaient tous sur l'islam eux aussi. Comme également notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était sur le pur islam et sa sharia était aussi la sharia de l'islam. فهذا الإسلام الذي اجتمعت عليه الرسل وأمرت به جميع الأمم هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الاستسلام الذي ينفع العبد، وهذا هو الاستسلام والإسلام الذي أمر به جميع الخلق المكلفين من الجن والإنس. الشيخ الذي دونك سيسا الإسلام sur lequel tous les messagers se sont réunis et tous les messagers ont ordonné à leur nation de respecter et de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala en appliquant ce tawhid. Donc, le tawhid c'est al-istislam lillah, de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala en appliquant son unicité et en se soumettant à lui dans l'obéissance et dans l'obéissance à ses ordres et de se désavouer du shirk et de ceux qui le pratiquent. Ça c'est la définition, disons, résumée de l'islam. Donc si quelqu'un vous demande qu'est-ce que c'est l'islam, si vous lui répondez de façon résumée, vous voulez lui donner une réponse résumée, vous lui dites « Al-istislamu lillahi bit-tawhid wa l'inqiyad lahu bit-ta'a wa al-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi » de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala par le tawhid. Et de l'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala par son obéissance, et de se soumettre à lui par son obéissance, et de se désavouer du shirk et de ceux qui commettent le shirk. Il y a beaucoup de gens qui connaissent la première partie de cette définition-là, mais la dernière partie, al-bara'atu min ash-shirk wa ahlihi, beaucoup de gens l'ignorent ou la négligent, hein. Il pense que c'est suffisant pour être musulman ou pour être sur l'islam qu'on dise qu'on croit un Dieu unique. Et puis par la suite, quand il voit des gens qui font le shirk ou qui commettent le shirk, il ne se désavoue pas de ce qu'ils font et il ne se désavoue pas d'eux. Et ça, c'est une mauvaise compréhension de la signification de l'islam et une mauvaise signification ou une défaillance dans la compréhension. الشيخ الذي وموضوع هذه المحاضرة هو فضل التوحيد وتكفيره للذنوب. هذا التوحيد بين لكم كثير من مسائله فيما مر عليكم من المحاضرات السابقة في بيان معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي بيان الشرك الذي هو مضاد للتوحيد الشرك الأكبر أو ما مضاده أو مضاد لكماله وهو الشرك الأصغر. وبين لكم معنى توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. لشيخ الذي ستوحيد c'est-à-dire l'unicité d'Allah سبحانه وتعالى dans l'adoration. On vous en a clarifié beaucoup de ces points. On en a parlé dans différentes conférences auparavant. Et il énumère une série de sujets qui sont reliés au tawhid. Donc il dit par exemple la signification, ou le fait d'éclaircir ou de clarifier la signification de « La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ». C'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Et dans l'explication de qu'est-ce que signifie le shirk. Et on sait que le shirk, c'est qu'est-ce qui est le contraire ou l'opposé du tawhid. Et il y a bien entendu al-shirk al-akbar, qui est le shirk majeur, qui est complètement en opposition avec le tawhid. Et il y a d'autres catégories de shirk qui sont en opposition avec le perfectionnement ou le sens complet, de la perfection du tawhid. C'est-à-dire, il y a des choses qui viennent en opposition avec le tawhid, mais qui ne viennent pas nécessairement en opposition avec la base du tawhid. Donc, il y a comme par exemple des formes de shirk qui sont mineures. Si quelqu'un commet des formes de shirk qui sont mineures, ça vient en opposition avec le tawhid, mais pas avec la base du tawhid. Donc, cette personne-là demeure toujours musulmane, toutefois, elle a quand même une faiblesse. Son tawhid n'est pas complet. Hein? Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle shirk al-asrar. Et le cheikh, il dit également qu'on a clarifié dans d'autres conférences aussi la signification du tawhid dans la souveraineté, tawhid al-rububiyya, le tawhid dans l'adoration, tawhid al-uluhiyya, et le tawhid dans les noms et dans les attributs, tawhid al-asma wa sifat. وهذا كله بيان للتوحيد لتوحيد الله جل وعلا تسا سيبوكلاريفيه لتوحيد الله سبحانه وتعالى وهذا التوحيد كله من أخذ به فإن له فضلا عظيما على أهله التوحيد له الفضل الكبير الأكبر على أهله ممن أخذ به والتزمه وحققه في الدنيا والآخرة. Donc, le tawhid, celui qui l'a appliqué en entier et qui s'est accroché à ce tawhid, il a une grande grâce. Hein? Il a une grande grâce et le tawhid, donc, il a, le tawhid, c'est le plus grand mérite et la plus grande grâce. Et celui qui s'y accroche et qui réalise, qui réalise le sens réel du tawhid dans sa vie, dans cette dunya et dans l'akhira, il a la plus grande part de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et du mérite. Wal nufus wa mushtaqah. دائما مشتاقة دائما أن تسمع وأن تتعرف على الفضل على فضل الشيء لأنها ربما ظنت أن هذا الشيء فضله واحد غير متعدد وإذا تعددت الفضائل وتعددت أوجه الاشتياق تعددت وإذا تعددت الفضائل تعددت أوجه الاشتياق لهذا الأمر والعناية به والحرص عليه وبيان ما للعباد من الفضل والأثر إذا التزموا به أو بهذا التوحيد ولهذا جاء في كتاب التوحيد الذي هو كتاب للشيخ محمد بن عبد الوهاب المجدد رحمه الله أول باب من أبوابه باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب هذا هو أول باب لماذا؟ لأن هذا الباب إذا تبين للعبد فضل التوحيد وبيان أثر التوحيد وبيان حسنات التوحيد وآثار التوحيد على العباد على العبد في نفسه وعلى العباد وعلى الناس في الدنيا والآخرة واشتاقت النفوس وعظمت عندها الرغبة أن يتعرفوا على هذا التوحيد وأن يطلبوا علمه وأن يهربوا مما يضاد ذلك الذي يذهب بهذه الفضائل وهذه الآثار والحسنات. Donc le cheikh explique. Il dit que depuis qu'on est au courant qu'un sujet a plusieurs mérites et qu'il y a beaucoup de grâces qui sont reliées à quelque chose ou à un sujet en particulier, eh bien, les gens vont faire plus d'efforts pour arriver à le connaître et à le comprendre. Et ils vont dépenser beaucoup d'efforts, donc, pour arriver à le suivre et à respecter cette chose-là. Et donc, ça, c'est une des choses qui nous fait réaliser l'importance du tawhid. Puisqu'on réalise que le tawhid, il y a beaucoup de mérites qui sont reliés au tawhid. Il y a beaucoup de points qui sont reliés au tawhid. Et plus qu'on apprend les différents mérites du tawhid, et plus ça pousse quelqu'un à faire des efforts, à l'étudier, à le comprendre, à l'apprendre et à l'appliquer en lui-même. Et c'est pour ça que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, quand il a écrit son livre qu'on appelle Kitab al-Tawhid, le premier chapitre qu'il a mis dans son livre, il l'a intitulé Bab al-Tawhid. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب c'est-à-dire le chapitre qui parle du mérite du tawhid et de ce que le tawhid vient expier de toutes les différentes catégories de péchés. Et donc pourquoi le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a commencé par ce chapitre dans son livre? Le cheikh il dit parce que lorsque le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala a compris le mérite du tawhid et il a compris les effets de ce tawhid sur les hommes et tout le bien qui vient du tawhid et les hasanats du tawhid et les effets que le tawhid a sur les hommes et sur lui-même, donc ça va le pousser à vouloir justement connaître, apprendre, chercher à comprendre le tawhid et à s'enfuir de tout ce qui est en opposition avec le tawhid. Donc le cheikh il dit que موضوع المحاضرة كما سمعتم في العنوان فضل التوحيد وما وتكفيره للذنوب تكفير الذنوب أحد آثار التوحيد وأحد فضائل التوحيد ولهذا لا يقتصر في فضله على أنه يكفر الذنوب فالله جل وعلا من على عباده بأن أوضح لهم هذا التوحيد وبين لهم أن أهل هذا التوحيد تكفر لهم الذنوب والسيئات قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما دون التوحيد يغفره الله سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده وهؤلاء الذين تخلصوا من الشرك هم أهل التوحيد والتوحيد عنوانه البارز تحقيق الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله Donc, le Cheikh, sallallahu alayhi wa sallam, donc, le Cheikh, il dit que le sujet de cette conférence, comme on l'a dit, c'est le mérite du tawhid de ce qu'il efface de nos péchés. Et le fait que le tawhid efface de nos péchés, c'est pas le seul des mérites du tawhid, mais c'est un des mérites les plus importants. Et le Cheikh, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, donc, a fait cette grâce à ses serviteurs et il leur a clarifié le tawhid, il leur a clarifié que les gens qui sont sur le tawhid, Allah va leur pardonner leurs péchés. Donc ça c'est une bouchra, yani, pour les croyants, c'est une bonne nouvelle pour tous les musulmans, pour tous les mouahidines, pour tous ceux qui sont sur le tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que certes, il ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui. Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais en dehors de ça, en dehors du shirk, il pardonne tout autre péché à qui il veut. Tout autre péché qui est moins grave que le shirk, Allah le pardonne à qui il veut. Le Cheikh dit, ma dun al-shirk, yaghfiruhu Allah subhanahu wa ta'ala liman sha'a min ibadih. Tout ce qui est moins grave que le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala le pardonnera à qui il veut de ses serviteurs. Ha'ulai alladhina takhallasu min al-shirk hum ahlu al-tawhid. Ceux qui ont réussi à se débarrasser de toute forme de shirk, ce sont eux qui sont les gens du tawhid. Et le tawhid, quand on parle du tawhid, qu'est-ce qu'on parle en premier? C'est de réaliser la signification du témoignage ou des deux témoignages. Le témoignage de la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Sabata fi sahih, ou fi sahih muslim, anna nabiyyana, sallallahu alayhi wa sallam, qal, al-islamu ya'ni al-tawhid, yajubbu ma qablahu, wal-hijratu, tajubbu ma qablaha. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté dans Sahih Muslim, que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'islam, c'est-à-dire le tawhid, hein, quand on parle de l'islam, ici on parle en réalité du tawhid, eh bien il efface tout ce qui est en avant, tout ce qui était fait auparavant. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un accepte l'islam, et qu'il accepte le tawhid, eh bien Allah sallallahu alayhi wa sallam lui efface tout ce qu'il avait comme péché auparavant. Donc quand il rentre dans l'islam, hein, quand il accepte le tawhid, c'est comme si il redevient comme lorsqu'il était né. Hein, sa page est blanche. Hein. Et également, parmi les actes d'adoration qui ont cet effet-là aussi, il y a al-hijra, le fait de faire d'émigrer pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, de quitter le pays de kufr et de shirk pour aller vers une terre où il y a l'islam. Et donc, ça aussi, yajubu ma qablaha, hein, tajubu ma qablaha, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Celui qui fait la hijra, il quitte le pays des koufars et des mouchriquins pour aller vers le pays de l'islam, ça efface tout ce qu'il avait fait comme péché auparavant. Donc ça c'est aussi en même temps un des mérites de la hijra. Le Cheikh il dit, al-islam liman haqqaqahu wa aslamahu ibtigha'a wajhillah. جل وعلا لا نفاقا ورياء وتبرأ من الشرك وكفر بالطاغوت وعلم معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله فإن هذا الإسلام يجب ما قبله فأول ما يواجه العبد إذا أسلم أن إسلامه يجب ما سلف له من الآثام وما سلف له من الذنوب حتى ولو كان أعظم الذنوب وهو الشرك الأكبر لله جل وعلا. Donc le Cheikh il dit que celui qui a réalisé la signification du tawhid, qui a soumis son visage pour qui s'est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas converti à l'islam pour yani riyan, comme par exemple pour se faire voir, ou bien par hypocrisie, mais il s'est converti à l'islam sincèrement et purement pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il s'est désavoué du shirk et du kufr. Hein, et il a rejeté le tarout, il a rejeté tout ce qui est adoré par les hommes en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les idoles et autres. Eh bien, yani, lorsqu'il a compris sincèrement et comme il faut la signification de la ilaha illallah et de Muhammadur Rasulullah, alors ça veut dire que lorsqu'il a accepté l'islam de cette manière-là, eh bien l'islam de cette personne-là vient effacer tout ce qu'elle a commis comme péché auparavant. Et le cheikh il dit, yani, donc tout ce que cette personne-là a commis comme péché, même si c'était les plus graves péchés, comme le shirk majeur par exemple, eh bien ce péché, même le shirk akbar, lorsque quelqu'un entre dans l'islam et qu'il dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est comme si en faisant ça il s'est repenti du shirk majeur et il a accepté l'islam, et donc Allah lui efface tous ses péchés, hein. Même s'il a tué, même s'il a volé, même s'il a fait toutes sortes de crimes avant l'islam, du moment qu'il devient musulman, qu'il accepte l'islam, qu'il accepte le tawhid, Allah subhanahu wa ta'ala lui efface tous ses péchés. Et le cheikh dit ensuite, al-islam huwa a'zamu wasa'il at-tawba, al-islam huwa anjahu wa ablaghu wasa'il maghfirat adh-dhunub liman kana 'alayha hatta ash-shirk al-akbar, fa kayfa bima dunahu min ash-shirk al-asghar aw 'umum adh-dhunub wal-kaba'ir wal-athaam. Le cheikh donc il dit que l'islam c'est le plus grand moyen d'arriver à la repentance et d'obtenir la repentance. Et donc l'islam c'est le moyen le plus bénéfique, celui qui amène le plus de succès pour quelqu'un qui demande le pardon de ses péchés et qui veut le pardon de ses péchés, parce qu'il efface tout ce qui était fait auparavant, même le shirk majeur. Donc si c'est le cas, du fait que le tawhid efface le shirk majeur que quelqu'un a commis, alors que dire des péchés qui sont moins graves que le shirk majeur, comme par exemple le shirk mineur, ou bien également d'autres péchés parmi les kaba'ir et les péchés. ولهذا يدرك التوحيد أهل التوحيد بالفضل أول ما يعلن الإسلام لأنه بتوحيده جل وعلا وبراءته من الشرك فإن هذا التوحيد والإسلام يجب ما قبله مهما كان الذي قبله. Des fois il y a des gens يعني qui acceptent l'islam aujourd'hui et qui rentre dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a un frère justement qui me racontait cette histoire il n'y a pas longtemps. Il y a un frère qui s'est converti à l'islam, mashallah. Et il a voulu se marier avec une sœur qui était d'origine d'un pays musulman. Et le père de cette sœur, malheureusement, il n'a pas accepté le fait que ce frère vient demander la main de sa fille, n'a pas accepté qu'il se marie avec elle, et le père de cette sœur l'a traité de chien, hein. Et il a dit chien, et allez, il l'a traité de toutes sortes de noms en voulant dire c'est un français, donc c'est un chien, et allez, je sais pas quoi. Donc Allah Musta'an, c'est pour dire que lorsque quelqu'un accepte l'islam et qu'il dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, il devient musulman. Hein? Et donc, à partir du moment qu'il accepte l'islam, il est musulman, et donc, c'est notre frère en islam, peu importe son origine. Et être musulman, c'est pas une origine, c'est pas une ethnie, hein? C'est pas quelque chose de culturel ou de national, ou quelque chose qui est hérité de père en fils, et que ça veut dire que depuis que t'es né de tel pays, donc t'es musulman, par nature ou par origine. Hein? Des fois, il y a des frères qui me rencontrent parfois dans la rue et puis qui me disent de quel pays tu viens, et quand je leur dis je viens d'Haïti, hein, il y en a qui sont surpris, comment dans ton pays il n'y a pas de musulmans, hein? Parce que maintenant c'est devenu connu que telle personne s'il vient de tel pays il est musulman automatiquement. Donc c'est très important de comprendre que le tawhid et l'islam c'est une aqida avant tout, c'est une croyance avant tout, c'est pas une coutume ou une culture ou quelque chose qu'on a hérité, puis que parce qu'on vient de tel pays ou parce qu'on est de telle ethnie ou de telle origine, on est automatiquement musulman. Non. Tu es musulman si tu crois en la ilaha illallah et en Muhammad Rasulullah, peu importe de quelle origine tu es, et tu es kafir si tu rejettes la ilaha illallah et Muhammad Rasulullah, peu importe de quelle origine tu es. Et donc ça, c'est très important de faire comprendre aux musulmans et aux non-musulmans cette signification-là. Que l'islam, c'est pas une culture ou une ethnie ou une race. L'islam, c'est une croyance, c'est un dogme, c'est une aqida, c'est une foi. Hein? Et que quelqu'un peut l'accepter comme quelqu'un peut la rejeter. Et si quelqu'un la rejette, il va aller en enfer. Si quelqu'un l'accepte, il va aller au paradis. D'accord? Donc ça, c'est une signification très, très importante. Peu importe qu'est-ce que quelqu'un a pu faire dans sa vie avant l'islam. Peu importe qu'est-ce que le peuple d'une personne ou l'origine, par exemple, si quelqu'un vient d'un pays et historiquement ils ont combattu les musulmans, puis que cette personne, cet individu-là, lui, il s'est converti à l'islam, eh bien, tout ça s'est effacé par l'islam, du moment qu'il dit « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah ». Et si on retourne à l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et aux sahaba, c'est très très facile à comprendre. La majorité des sahaba sont tous convertis. Il y en a très peu parmi les sahaba qui sont nés musulmans. Hein? La majorité des musulmans, lorsqu'ils sont nés, ils ont été convertis à l'islam. Ils étaient nés dans des familles où les gens pratiquaient le shirk. Et ils étaient des kuffars. Il y en a même qui ont combattu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et après, ils ont dit la ilaha illallah, ils sont devenus des musulmans. Et donc, il faut toujours garder cette chose-là en tête. Hein? Donc, alhamdulillah. Alhamdulillah, le cheikh, il dit ensuite, ولهذا يدرك التوحيد أهل التوحيد بالفضل أول ما يعلن الإسلام لأنه بتوحيده لله جل وعلا وبراءته من الشرك فإن هذا التوحيد والإسلام يجب ما قبله مهما كان الذي قبله ولو كان أشرك الشرك الأكبر أو سفك الدم أو أخذ المال أو انتهك العرض أو وقع في الموبقات والكبائر فكل ما قبل الإسلام مغفور بالإسلام الإسلام يجب ما قبله. Donc le cheikh explique encore une fois, il spécifie et clarifie que peu importe, du moment que quelqu'un a dit la ilaha illallah, il a tout de suite une part de ce mérite, une part de cette grâce de l'islam, du fait qu'il entre dans l'islam, du fait que ses péchés préalables ou précédant l'islam ont été effacés par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que en unifiant Allah subhanahu wa ta'ala, et en se désavouant du shirk, et en déclarant son tawhid et sa foi en l'islam, il a effacé tous ses péchés qu'il avait auparavant, même si c'était le shirk majeur, même si c'est quelqu'un qui était hindou, ou bouddhiste, ou chrétien, ou athée, ou n'importe quelle autre foi ou croyance de shirk et de kufr qu'il avait avant l'islam, tout ça s'est effacé parce qu'il a dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Et du moment qu'il avait, si avant l'islam il avait tué des gens, ou qu'il avait volé, ou qu'il avait attaqué l'honneur des gens, hein, du moment qu'il accepte l'islam, tout ça s'est effacé. Regardez à l'époque du prophète Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, les mouchriquines de la Mecque, il y en a parmi eux qui avaient fait tellement de mal aux musulmans auparavant. Il y en a qui avaient tué des musulmans, il y en a qui avaient fait beaucoup de mal, hein. Et lorsqu'ils ont accepté l'islam et qu'ils ont dit la ilaha illallah, eh bien, tout ce qu'ils avaient fait auparavant avait été pardonné. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur en a jamais voulu pour qu'est-ce qu'ils avaient fait avant l'islam, hein. Et c'est pour ça qu'on voit l'exemple à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsque il y a un sahabi, Usama ibn Zayd, radiyallahu anhu, il était dans la bataille et il allait pour, par exemple, tuer un des mouchriquins qui était dans la bataille. Et ce mouchriq, quand il a vu l'épée, il a dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah ». Et malgré ça, Usama l'a tué quand même. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a entendu qu'est-ce que Oussama avait fait. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait venir Oussama, radiallahu anhu, et lui a dit, qu'est-ce que t'as fait? J'ai entendu que quelqu'un avait dit la ilaha illallah et que malgré tout, tu l'as attrapé avec ton épée quand même. Il a dit, oh, messager d'Allah. Il a seulement dit la ilaha illallah pour se protéger parce qu'il savait qu'il allait le tuer, donc, pour pas que je le tue, il a dit la ilaha illallah. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ashaqaqta an qalbi, est-ce que t'as ouvert son cœur pour voir à l'intérieur est-ce qu'il était sincère ou non? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qu'est-ce que tu vas faire au jour de la résurrection avec la ilaha illallah? Qu'est-ce que tu vas faire au jour de la résurrection avec la ilaha illallah? Quand Oussama a entendu cette parole-là, il a dit, j'aurais souhaité que je n'avais pas accepté l'islam avant ce jour-là. Tellement il a compris la gravité de son péché, la gravité de la chose qu'il avait fait. Et donc c'est pour ça comprendre que lorsque quelqu'un dit la ilaha illallah, ça efface tout ce qu'il avait fait auparavant. Hein? Même s'il était parmi les gens qui tuaient les musulmans avant l'islam. Donc on voit que là-dedans, le but du djihad et le but du combat, c'est d'amener les gens à l'islam et d'appeler les gens à l'islam et de les sauver du kufr et du shirk et non pas une sorte de vengeance personnelle hein, pour qu'est-ce que des gens nous ont fait dans le passé ou pour retrouver un honneur perdu. Non. Le but du djihad, c'est pour rappeler les hommes à Allah subhanahu wa ta'ala, pour les sauver du shirk et du kufr et non pas pour se venger d'eux. Hein. الشيخ الدين وأما أهل الإسلام في تكفير الذنوب فإن كل مسلم يتفضل الله جل وعلا عليه بأنه تكفر له الذنوب إذا كان مسلما موحدا في الآخرة بمشيئة الله جل وعلا وفي الدنيا إذا تاب توبة صالحة فمن تاب نفعه توحيده من كل ذنب وكفر له الذنوب ومن عمل بما دون الشرك في الدنيا فإن توحيده وعمله الصالح يكفر عنه تلك الصغائر أما حقيقة هذا التوحيد الذي يحصل به تكفير الذنوب فإنه أن لا يعبد الله جل وعلا أو أن لا يعبد إلا الله جل وعلا وأن يعلم العبد معنى الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة التوحيد الذي من فضائله وآثاره أنه يكفر الذنوب هو أن تعلم معنى هذه الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن تشهد بها معلنا غير مستخف بهذه الشهادة العظيمة ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها على مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل وفي رواية قال حرم الله عليه النار للشيخ الزيدانك en ce qui concerne les gens qui sont déjà dans l'islam. On a parlé des gens qui n'étaient pas musulmans et qui sont entrés dans l'islam en disant la ilaha illallah et en acceptant le tawhid. On a compris que tout ce qu'ils avaient fait auparavant était effacé par ce témoignage. Maintenant, ceux qui sont déjà dans l'islam, qui sont déjà musulmans, hein, eh bien, l'islam, le cheikh, en ce qui leur concerne, chaque musulman, Allah subhanahu wa ta'ala, lui donne une grâce par le fait qu'il lui pardonne ses péchés si c'est un musulman qui est sur le tawhid. Dans cette dunya et dans al-akhira, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et dans cette dunya, s'il demande pardon et qu'il s'est repenti pour ses péchés. Donc celui qui s'est repenti pour ses péchés, alors son tawhid lui sera bénéfique et il sera donc pardonné pour tous ses péchés parce qu'il est mort en se repentant de tous les péchés qu'il a commis. Et donc, le tawhid, dans son cas, vient effacer tous ses péchés. Toutefois, celui qui a commis des péchés qui sont moins graves que le shirk, hein, ou des choses qui sont moins graves que les kaba'ir, dans cette dunya, ton tawhid vient effacer les sara'ir qu'il a commis. Les petits péchés qu'il a commis sont effacés par son tawhid. Toutefois, on sait également que celui qui a commis des grands péchés, des kaba'ir, alors celui-là, il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les musulmans, celui qui commet des grands péchés et qui meurt sans se repentir, il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala veut, il va lui pardonner par sa miséricorde et le faire entrer au paradis direct. Toutefois, si Allah subhanahu wa ta'ala veut également, par sa justice, il va le faire entrer en enfer. Et il va le punir pour un certain temps. Puis il va le faire sortir de l'enfer par la suite. Il ne va pas rester éternellement en enfer parce qu'il n'a pas commis de shirk majeur ou de kufr majeur. Les seuls qui vont demeurer éternellement en enfer pour l'éternité sont ceux qui ont commis un shirk majeur ou un kufr majeur. Les autres qui ont commis des kaba'ir et qu'Allah a décidé de punir, ils vont rester uniquement pour un certain temps en enfer et par la suite ils vont sortir de l'enfer. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il allait faire sortir de l'enfer, que Allah allait faire sortir de l'enfer toute personne qui a une atome de foi dans son cœur. Et le cheikh dit donc que le tawhid, celui qui a réalisé le tawhid, donc il aura l'expiation de ses péchés. Et c'est-à-dire, la réalité de ce tawhid-là, c'est qu'il n'adore rien d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il connaisse la signification du témoignage de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et du message de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il dit que le tawhid, celui dont les mérites sont et celui dont les effets sont qu'il efface nos péchés, c'est de connaître la signification de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah et de témoigner de ce témoignage-là ouvertement, publiquement, et non pas de façon cachée, de le dire ouvertement, et de témoigner donc de ce grand témoignage. Et c'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari Muslim, selon Ubada ibn Samit, radiyallahu anhu, il dit, celui qui dit la ilaha illallah, celui qui témoigne de la ilaha illallah, et de Muhammad Rasulullah, celui qui dit que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et que Muhammad est son prophète et messager, son serviteur et messager, et que Isa est son serviteur, et son serviteur et messager, que Isa alayhi salam est son serviteur et son messager, et une parole qu'il a mis en Maryam, et une âme venant de lui, et que le paradis est véridique, et que l'enfer est véridique, Allah subhanahu wa ta'ala le fera rentrer au paradis avec ce qu'il faisait comme action. Et dans une autre narration, Allah lui interdit l'enfer. Donc ça c'est un exemple de ça. فَمَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَأَوَّلُ هَذِهِ الْفَضَائِلِ بِأَنْ حَقَّقَ التَّوْحِيدِ أو يعني شهد شهادة التوحيد بأقل درجاتها كما سيأتي بيانه فإن فضل التوحيد عليه أن الله جل وعلا يدخله الجنة وعدا منه جل وعلا ووعده الحق والصدق وأن الله يحرم عليه النار وعدا منه جل وعلا ووعده الحق والصدق. نوك الحمد لله لشيخ الذكر سليك تيمواج de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah. Le premier de ces mérites-là, c'est que lorsqu'il a réalisé complètement la signification du tawhid, c'est-à-dire qu'il a témoigné du témoignage du tawhid dans le moindre de ses degrés, comme on va l'expliquer plus tard, il dit alors le mérite de ce tawhid-là sur lui, c'est que Allah va lui faire rentrer dans le paradis. Et ça, c'est une promesse de sa part. Et bien entendu, la promesse d'Allah, elle est véridique. Et elle est vraie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les mérites du tawhid, c'est qu'il va lui interdire l'enfer. Et ça, c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, et sa promesse, elle est véridique et elle est vraie. Wa ma ja'a fi sahihayn aydan min hadith Utban ibn Malik radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala fi bayan fadl ash-shahadatayn innahu man qala la ilaha illallah aw man shahida an la ilaha illallah wa anni rasulullah حرم الله عليه النار وفي لفظ أيضا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل من جنس ما جاءت في حديث عبادة، وهذا كله من الفضل العظيم والأثر الكبير للتوحيد. Donc le Cheikh il dit également que dans Al-Sahihayn, Al-Bukhari Muslim, il y a un hadith qui est apporté selon Utban ibn Malik radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pour expliquer le mérite des deux témoignages. Il a dit: celui qui dit la ilaha illallah, ou qui témoigne de la ilaha illallah et que je suis le messager d'Allah, Allah va lui interdire l'enfer. Et dans une autre narration il dit: Allah va lui faire entrer au paradis avec ce qu'il faisait comme action. D'accord, donc ça c'est dans le même sens que le hadith de Ubada qu'on vient de mentionner. Naam. Donc le cheikh il dit ensuite: wa min huna waqfa fi hadain أو في هاتين المسألتين. المسألة الأولى: فما معنى كون هذا التوحيد وهو عبادة الله وحده لا شريك له والبراءة من الشرك وأهله والكفر بالطاغوت وترك الشرك كبيره وصغيره، وما معنى أنه يدخل الجنة على ما كان من العمل، وما معنى أن الله حرم عليه النار؟ لشيخ الزي il y a deux points. On veut s'arrêter sur deux points ici maintenant. Le premier point c'est: Qu'est-ce que c'est la signification du fait que le tawhid, qui est l'adoration d'Allah lui seul, qu'il l'adorait lui seul sans associer, et de se désavouer du shirk, et des gens qui pratiquent le shirk, et de rejeter le tarot, et de rejeter le shirk, que ce soit majeur ou mineur. Donc, qu'est-ce que c'est la réalité du fait que ce shirk-là, qu'est-ce que c'est la réalité du fait que ce tawhid, celui qui l'a appliqué, Allah le fait rentrer au paradis avec ce qu'il faisait comme action? Et que signifie également la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit que Allah va lui interdire l'enfer? Qu'est-ce que signifient ces deux points? Le cheikh il dit: هاتان مسألتان أما الأولى وهي أنه يدخل الجنة على ما كان من العمل فإن أهل التوحيد مآلهم إلى الجنة والتوحيد أهله فيه أصناف، منهم من حقق التوحيد، ومنهم من خلط مع التوحيد عملا صالحا وآخر سيئا، ومنهم من جاء بالتوحيد ومعه ذنوب كثيرة جدا. أما الأولى فمن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وتحقيق التوحيد معناه تكميله مع أن يكون إخلاصه لربه وخوفه منه ورجاؤه فيه وأن لا يكون فيه نقص بوجه من الوجوه. Le Cheikh il a dit que les deux points qu'on vient de mentionner, le premier, qu'est-ce que ça signifie qu'il entre dans le paradis avec ce qu'il faisait comme action, et le deuxième, que Allah va lui interdire l'enfer. Le premier point, il dit que lorsqu'on dit qu'il va rentrer au paradis avec ce qu'il avait comme action, ça signifie quoi? Ça signifie que les gens du tawhid, leur destination, leur conclusion sera le paradis. Sauf que les gens sont de différents degrés dans le tawhid. C'est pas tout le monde parmi ceux qui sont sur le tawhid qui sont au même degré dans le tawhid. Donc le cheikh explique, il dit que parmi ceux qui sont sur le tawhid, il y en a qui ont réalisé la signification complète et parfaite du tawhid. Et ceux-là, ils vont rentrer dans le paradis sans châtiment et sans jugement. Ils rentrent direct. Il y en a d'autres qui sont sur le tawhid, mais qui ont mélangé des actions qui sont bonnes et d'autres qui sont mauvaises. Et il y en a d'autres parmi les gens qui sont sur le tawhid, qui ont le tawhid, mais qui ont beaucoup de péchés avec. Donc comme on a dit, la première catégorie, ceux qui ont réalisé complètement la signification du tawhid, dans leur compréhension et dans leurs applications et dans leur pratique du tawhid, ceux-là, comme on l'a dit, ils rentrent au paradis sans jugement et sans châtiment, parce qu'ils ont complété la signification et ils ont réalisé la signification du tawhid dans sa perfection. Et ils ont donc adoré Allah subhanahu wa ta'ala avec ikhlas et avec crainte et avec espoir, et donc ils ont complété le tawhid et non eu aucune sorte de déficience dans leur tawhid, dans aucun des points de vue. Donc le cheikh explique: وَمَعْنَا تَحْقِيقِ التَّوْحِيدِ أن يكون متخلصا وخالصا من الشرك الأكبر والأصغر ووسائل الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع صغيرها وكبيرها ومن المعاصي والذنوب الكبائر والصغائر إلا من تاب والعمل بالصالحات كما أمر الله كما أمر الله جل وعلا فهذا التوحيد وفضله عليه أنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب وهؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب عدتهم 70,000 بنص الحديث أنه في هذه الأمة 70,000 يعني إذا أتوا يوم القيامة فيهم في هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب منة من الله جل وعلا وكرم ومنة من الله سبحانه وتعالى نعم donc le cheikh il dit que la signification de la réalisation complète du tawhid c'est quoi quand on dit que quelqu'un il a حقق التوحيد il a réalisé la signification complète et réelle du tawhid il a parfait son tawhid qu'est-ce que ça signifie ça signifie que il s'est débarrassé, il s'est purifié de toute forme de shirk, majeur et mineur. Et il s'est débarrassé de tous les moyens ou de toutes les choses qui amènent au shirk, soit majeur ou mineur. Et non seulement ça, mais en plus, il s'est écarté de toutes les formes d'innovation, de bid'ah, que ce soit des formes de bid'ah qui sont majeures ou des formes de bid'ah qui sont mineures également. Et il s'est écarté également de tous les péchés et de toutes les désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit des désobéissances majeures ou mineures. Et il a fait, yani accepté dans le cas où il s'est repenti à Allah subhanahu wa ta'ala, comme s'il est tombé dans un péché. Puis il a fait une kabira ou il a fait un péché quelconque, puis par la suite il a fait tauba, donc il est considéré comme quelqu'un qui n'a plus de péché, puisque celui qui s'est repenti d'un péché, il redevient comme il était auparavant. D'accord? Donc, pour avoir réalisé la signification complète du tawhid, tu dois t'écarter, comme on a dit, du shirk majeur et mineur, et des moyens qui amènent le shirk, des moyens ou des choses qui amènent au shirk majeur et mineur. Et tu dois également t'écarter des innovations, majeures et mineures. Et tu dois également t'écarter des péchés, des grands et des petits. Hein? Et donc, si tu t'es écarté de ça, alhamdoulilah, tu as réalisé la signification de tawhid. Si tu es tombé dans quelques péchés, par négligence ou par faiblesse, parce que tu as suivi tes passions, puis que tu as demandé pardon à Allah, tu t'es repenti sincèrement, puis que tu es revenu au droit chemin, tu reviens à la signification et à la compréhension du tawhid comme tu étais auparavant. Donc, après ici également, tu dois faire toutes les bonnes œuvres que Allah t'ordonne de faire et te commande de faire. Si tu as fait tout ça, tu as complété la signification du tawhid, tu as réalisé le sens complet du tawhid. Et donc, ce tawhid-là, lorsque tu l'as appliqué dans son sens complet, eh bien, le résultat de ce tawhid, de cette manière, appliqué et compris de cette manière, son mérite, c'est que tu vas rentrer au paradis sans jugement et sans châtiment. Et donc, ceux qui vont rentrer au paradis sans jugement et sans châtiment sont du nombre de 70 000, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné à leur sujet. Hein? 70 000 qui vont rentrer au jour de la résurrection au paradis sans jugement, sans châtiment. وهذا ميدان يتنافس فيه المتنافسون وأعظم به أمنا وأمانا وأعظم به أثرا وفضلا في الدنيا والآخرة donc le cheikh il dit quoi il dit que c'est dans ce domaine là et c'est dans c'est vers l'accomplissement l'accomplissement de la réalisation de ce tawhid dans lequel on doit compétitionner les uns les autres et rivaliser les uns avec les autres pour arriver à atteindre ce degré de tawhid. Hein, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ On doit compétitionner entre nous dans les bonnes œuvres et dans le bien, et essayer de rivaliser entre nous pour arriver à atteindre ce degré élevé dans la le sens et la compréhension et la réalisation du tawhid. أما القسم الثاني من الناس فهم الذين عملوا بالتوحيد شهدوا شهادة التوحيد وآمنوا واعتقدوا الاعتقاد الحق في الله جل وعلا وفي توحيده وفي إلهيته وربوبيته وفي أسمائه وصفاته وعبدوه وحده لا شريك له وتخلصوا من الشرك امتثالا لقوله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادته بعبادة ربه أحدا ولكنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فهؤلاء التوحيد فضله عليهم أنهم إن تابوا تاب الله عليهم ثانيا إن لقوا الله جل وعلا بكبائر بغير توبة فإنه يغفر سبحانه وتعالى ذلك لمن يشاء يعني بدون محاسبة لمن يغفر لمن يشاء Donc le chef il dit, en ce qui concerne la deuxième catégorie de personnes, ce sont ceux qui ont appliqué le tawhid, qui ont témoigné du témoignage de tawhid, et qui ont cru, et qui ont eu la aqidah, la bonne aqidah, la aqidah de vérité à propos d'Allah dans son tawhid, dans al-uluhiyya, dans al-rububiyya, et dans al-asma wa sifat, et qui l'ont adoré lui seul, sans partenaire, et qui se sont éloignés et débarrassés de toutes les formes de shirk, en respectant la parole d'Allah lorsqu'il nous dit, celui qui espère en la rencontre de son Seigneur qu'il fasse des bonnes œuvres, et qu'il n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur, donc celui qui a respecté ça, mais qui a mélangé des bonnes œuvres et des péchés, des bonnes œuvres et des péchés, celui-là, le mérite du tawhid sur lui sera de trois points. On a mentionné les deux en arabe. Le premier, c'est que s'il se repente, Allah va accepter leur repentance. Deuxièmement, s'il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala avec des grands péchés sans se repentir, ça veut dire, il a commis un grand péché, puis après il meurt, mais avant de mourir, il n'a pas eu le temps de faire tawbah, eh bien, pour lui, Allah subhanahu wa ta'ala pardonnera celui qu'il veut d'entre eux. Celui pour qui il veut le pardon, il va lui pardonner. Et donc, le cheikh il dit, donc c'est-à-dire que celui pour qui Allah a voulu le pardon, il va le faire entrer au paradis sans lui demander des comptes. Wa thalithan, troisièmement, minhum man yakunu amaluhu sayy bil muwazana yurajjah at-tawhid bi a'malihi sayy'a fadlan min Allah wa takarruman. Donc le cheikh il dit que la troisième catégorie parmi, ou troisième mérite de ces gens-là, c'est que, yani, Allah subhanahu wa ta'ala va peser les bonnes actions qu'il a faites et les mauvaises. Et le tawhid, qui est dans sa balance de bonnes œuvres, va faire pencher la balance en sa faveur du fait qu'il a appliqué le tawhid. Donc, à cause de ça, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va rentrer au paradis. Pour ça, yani, dans ce sens-là. Et également, donc ça c'est un autre des mérites de cette catégorie-là. Puis la troisième catégorie, le Cheikh dit, أما الصنف الثالث فهؤلاء الذين أتوا بالتوحيد وقوي إخلاصهم وقوي توحيدهم وقويت حميتهم لتوحيد الله وبراءتهم من الشرك وبغضهم للشرك والكفر ولأهل الشرك والكفران وكفرهم بالطاغوت وهو كراهتهم لعبادة غير الله وبغضهم للشرك بالله جل وعلا وللكفر بأنواعه وعظم ذلك عندهم ولكن كثرت سيئاتهم وذنوبهم فهؤلاء مثلهم مثل الرجل الذي يؤتى به يوم القيامة كما ثبت ذلك في الحديث يؤتى برجل يوم القيامة بين الخلائق وينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر فيها سيئاته وذنوبه فإذا رأى ذلك خاف وأصاب الهلع فيقول الله له أتنكر من هذا شيئا فيقول لا أنكر من هذا شيئا، فتوضع هذه السجلات في كفة، في كفة السيئات، وترجح كفة السيئات، ثم يقول الله له ألك عمل؟ فيقول لا يا رب، فيقول الله له بلى، فيؤتى ببطاقة فيقال أو فيقول ما هذه يا رب؟ فتوضع في كفة الحسنات فتطيش تلك السجلات، يعني من قوة رجحانها وكفة الميزان رجحت بقوة، فارتفعت الكفة الأخرى فطاشت السجلات وتناثرت من قوة ثقل هذه البطاقة، وهذه البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. لشيخ الزين إلى ثالثة كاتيجوري، et cette catégorie là c'est des gens qui ont appliqué le tawhid et qui ont eu une sincérité très très forte et qui ont un tawhid très fort et leur amour et leur jalousie pour le tawhid a été très forte et leur désavouement du shirk était très fort également et leur haine pour le shirk et le kufr et pour les gens du shirk et pour les gens du kufr était très grand aussi. Et du fait qu'ils rejetaient le tarout, et qu'ils ont rejeté la foi en le tarout, et qu'ils ont détesté tout ce qui avait rapport avec l'adoration d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils ont eu de la haine, et qu'ils ont détesté le shirk, et même malgré ça, ils ont commis beaucoup de péchés, beaucoup de zunoub. Alors, l'exemple de cet homme-là, c'est l'exemple de celui qu'on va amener au jour de la résurrection, comme dans le hadith de Al-Bitaqa, hadith Al-Bitaqa. Il y a un homme qu'on amène au jour de la résurrection devant toute la création, et on va lui amener, yani, 99 recueils, ou 99 registres, dans lequel il y a la mention de ses péchés. Et chacun de ces recueils, ou de ces registres, est de la distance du regard, c'est-à-dire, ils sont immenses, ces recueils. Et on les place sur un des côtés de la balance. Allah subhanahu wa ta'ala lui demande, lorsqu'il voit tous ces registres, il commence à avoir peur. Et, yani, Allah subhanahu wa ta'ala lui demande, est-ce que tu dénies ou est-ce que tu nies quelque chose de qu'est-ce qui est écrit dans ces registres? Il dit, non. Oh, ya Rab, je ne renie rien de ce qui est écrit là-dedans. Alors, on prend tous les registres et on les place sur une balance. Et on voit la balance qui penche vers le côté où on a placé ces registres. Et on arrive avec une petite carte. Un petit carton. Il y en a une petite carte, d'état à pas. Et l'homme dit, qu'est-ce que cette petite carte? Hein? Il demande à Allah, qu'est-ce que cette petite carte? Qu'est-ce que cette petite carte peut faire pour moi, puisque j'ai tous ces registres de péchés-là. Donc on prend la carte et on la met sur l'autre côté de la balance, et la balance yani, s'écrase, yani, et fait... yani, c'est-à-dire que la balance, lorsqu'on met la carte sur l'autre côté de la balance, le côté opposé où il y a les registres, yani, on met la petite carte et la balance penche maintenant du côté où il y a la petite carte, hein. Et donc le cheikh il explique que, c'est-à-dire que tellement que la petite carte a eu un poids lourd dans la balance, que quand on a déposé la carte dessus, ça a fait tout de suite yani, soulever tout, de l'autre côté, tous les registres ont basculé, hein, et c'est la petite carte qui a été plus lourde que les registres. Et le cheikh il dit que sur cette carte c'était écrit « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah ». ولكن هل هذا الفضل لكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لو كان الأمر كذلك لما دخل النار أحد من أهل التوحيد، والله جل وعلا قد توعد أهل التوحيد من أهل الكبائر وأهل الذنوب بأنهم يدخلون النار وينقون فيها ثم مصيرهم إلى الجنة، ولكن هذه حالة خاصة لمن كان التوحيد في قلبه عظيما وحبه لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم وإخلاصه لله بأنه مؤمن بتوحيد الله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأن هذا التوحيد بأنه لا يعبد إلا الله ولا يشرك بالله جل وعلا شيئا وأنه يحب التوحيد ويحب أهله ويبغض الشرك ويبغض أهله فتكون هذه البطاقة ميزته عن سائر الأمة فطاشت سجلات السيئات مقابلة بعظم التوحيد وعظم شأنه. Le Cheikh il dit, est-ce que cette récompense ou cet effet-là du tawhid, elle aura cet effet pour tout le monde qui ont dit la ilaha illallah? Est-ce que tout le monde qui ont dit la ilaha illallah aura ce mérite-là au jour de la résurrection, que lorsqu'on va mettre une carte qui est écrit la ilaha illallah sur sa balance, ça va écraser tous les péchés qu'il a fait? Il a dit non, ça c'est pas pour tout le monde. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a expliquer qu'il y aura des gens du tawhid, parmi les gens du tawhid qui vont rentrer en enfer. Et Allah, il a menacé les gens du tawhid qui ont fait des grands péchés, qui ont fait des péchés, que certains d'entre eux vont rentrer en enfer et qu'ils seront purifiés par le feu. Et que leur destination, par la suite, sera le paradis. Mais le hadith de la carte, ça c'est en particulier pour une personne qui avait un tawhid très fort dans son cœur, hein, et qui aimait Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, et qui avait une sincérité très grande pour Allah subhanahu wa ta'ala, et qui avait une foi très grande en le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa souveraineté, dans son adoration, et dans ses noms et dans ses attributs, et qui comprenait que le tawhid, c'est que rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah, et qu'on ne doit rien associer avec Allah subhanahu wa ta'ala, et qui aimait le tawhid, une personne qui aimait le tawhid et qui aimait les gens qui sont sur le tawhid et qui détestait le shirk et les gens qui commettent le shirk. Donc pour lui, cette carte va être quelque chose qui va le distinguer de tout le reste de la Ummah, hein, et donc qui va faire pencher tous les registres dans lesquels il y avait des péchés qu'il avait faits, hein, par opposition à la grandeur du tawhid et à la grandeur de l'importance que le tawhid avait pour lui. Wa at-tawhid fi al-qalb aydan idha 'azama, hein, wa 'azama idha 'azama at-tawhid fi al-qalb fa innahu la yakad yakunu ma'ahu iqdamun 'ala sayyi'atin aw israrun 'ala kabiratin min kaba'ir adh-dhunub, fatakunu halatun khassatun li'abdin yukhraju min duni al-khala'iq aw liman huwa mithluhu mimman kathurat sayyi'atuhu ولكن عظم توحيده وإخلاصه لله جل وعلا. وهذا يرغب فيه كل أحد ويرغب فيه كل أحد منا ممن لا يأمن على نفسه المعصية والذنب، ممن يعني يغشى الذنوب أو تقل عنده الحسنات. كلما زاد علم العبد بربه، كلما علم أنه محتاج لما يخلصه من الذنوب والآثام ومن قلة الامتثال للواجبات، وأعظم ذلك هو الإخلاص وتوحيد لله وتوحيد الله علما وعملا وانقيادا. لشيخ الدي donc le tawhid, lorsqu'il est très très lorsqu'il a une très très grande importance et lorsqu'il a une très grande place dans le cœur d'une personne, c'est presque impossible ou c'est très difficile que cette personne-là commette un péché ou qu'il persiste à commettre un grand péché parmi les grands péchés. Hein, c'est-à-dire que lorsqu'il va commettre, ou si jamais il commet un grand péché, il ne va pas persister à le faire. Il se repent automatiquement. Hein, il va tout de suite tomber, retourner à la repentance. Donc, l'exemple qu'on mentionne dans le hadith qu'on vient de citer, c'est un exemple très particulier, hein, d'une personne qui se distingue du reste des créatures, yani, du fait qu'il avait yani, commis des péchés, mais qui avait un très grand tawhid, une très grande sincérité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit ça, c'est quelque chose que chacun d'entre nous devrait espérer pour lui-même, dans le sens que on sait tous que parmi nous, il y a personne qui se sent en sécurité avec lui-même de penser que ça y est, il est protégé de faire des péchés ou des fautes. Et qu'il y a personne d'entre nous qui s'imagine que ses péchés seront tous pardonnés, etc. Donc, on est tous conscients que on peut tous tomber dans le péché, que on est tous conscients qu'on a plein de péchés et on est tous conscients également que يعني, on a un manque de hasanat, que nos hasanat sont pas suffisantes. Et donc chaque fois que le serviteur a de la connaissance يعني, dans ce qui a rapport avec son Seigneur et qu'il connaît Allah subhanahu wa ta'ala, plus que sa connaissance augmente, plus qu'il est conscient qu'il a besoin de ce qui peut l'éloigner ou le purifier des péchés et des effets des péchés. Et plus il est conscient également du fait qu'il a des manquements dans les obligations qu'il doit accomplir. C'est-à-dire, lorsque tu connais Allah subhanahu wa ta'ala comme il faut, lorsque tu connais bien l'islam, tu réalises toi-même que tu fais plein de péchés, que tu commets plein de péchés. Et tu réalises par toi-même que tu ne respectes pas Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'oublies pas Allah subhanahu wa ta'ala comme il faut. Tu as toujours des choses à parfaire et à améliorer et à compléter. Tu ne te sens pas satisfait de ton adoration, puis tu ne te sens pas à l'abri des péchés. Et donc, on a tous donc besoin de comprendre donc l'importance de cette sincérité et de ce tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre connaissance, dans notre application et dans notre soumission envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tout ce qu'on a expliqué aujourd'hui, c'est un petit résumé de ce sujet qui a rapport avec le mérite du tawhid. Et je pense que c'est une bonne préparation pour chacun d'entre nous pour le mois du Ramadan qui s'approche de nous à grands pas, pour comprendre donc l'importance de ce mois, l'importance des adorations qu'on doit faire dans ce mois-là, et de faire des efforts dans ce mois-là pour compléter et puis parfaire notre tawhid. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit justement dans, à propos du Ramadan, kutiba alaykum ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Et donc on voit que dans ce verset, Allah il dit, oh vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne, comme il avait été prescrit à ceux qui étaient avant vous, pour que vous puissiez avoir at-taqwa, pour que vous puissiez craindre Allah subhanahu wa ta'ala, pour que vous puissiez avoir at-taqwa. Et at-taqwa, c'est de faire ce qu'Allah ordonne, et de s'écarter de ce qu'il nous interdit. Et quand on jeûne, personne ne le voit à l'extérieur, il n'y a pas un signe extérieur qui dit aux gens je jeûne, mais c'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que si tu rentres dans une pièce et qu'il n'y a personne qui te voit et qu'il y a de la nourriture, il n'y a personne qui t'empêche de manger cette nourriture ou de boire cette eau, excepté ta foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un exercice pour ta crainte en Allah, pour ta foi en Allah, pour ta sincérité en Allah. Si tu trompes, si tu triches dans ton jeûne, tu ne triches que toi-même, hein. Et donc, alhamdulillah, ça nous incite et ça nous encourage à l'ikhlas et à taqwa et à parfaire notre tawhid. Donc, on va s'arrêter ici, inshallah, espérant que j'ai pas pris trop de temps, que j'ai pas trop prolongé pour vous, et espérant que ça a été bénéfique pour nous tous, que Allah nous donne l'ikhlas dans nos paroles et dans nos actions, et qu'il accepte de nous toutes nos bonnes œuvres. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Je voulais juste spécifier que demain il n'y aura pas de conférence demain comme ça avait été annoncé. طيب. Et aussi j'annonce la bonne nouvelle que jeudi après la prière de Maghreb il y aura un dars de notre frère Seydati qui va donner une conférence samedi jeudi, pardon, après le Maghreb, Inch'Allah. Donc, on vous encourage tous d'assister et de venir écouter les paroles que le frère va nous donner, Inch'Allah. Barakallahu fikum wa jazakum allahu khayran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.